Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette 470e émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. L'émission de ce soir est une nouvelle émission en différé et une émission extrêmement riche en nouveautés. C'est simple, la moitié de la playlist ce sont que des nouvelles diffusions. Dans les grosses sorties, on retrouve le nouvel album de Meshuga, des Belges de Evil Invaders, des vétérans anglais de Satan. On retrouve les Français de Excruciate 666 de Mesha. On retrouve également les Brutasses hongroises de Pedertrician et les Coreux de Yarotz. Voilà, pour brosser rapidement les nouveautés de l'émission d'aujourd'hui. Émission, tout simplement, qu'on commence immédiatement avec la première doublette pour ce soir, avec tout d'abord Abbas. Tout simplement le légendaire membre de Immortal qui sort là son troisième album studio sous son propre nom, une sortie toujours sur le label français Season of Mist, troisième album intitulé Dread River, deuxième fois qu'on s'en écoute un extrait dans l'émission, et en doublette avec Abbas, première nouveauté pour aujourd'hui, nous retrouvons les Suédois de Meshuga. Bien sûr les créateurs, si l'on peut dire, du djent metal, toujours ce métal extrême très chirurgical, très froid, très décousu, très mécanique. C'est leur 9e album studio en presque 35 ans d'existence. Le précédent album est sorti en octobre 2016. Un album bien généreux, 13 titres pour 65 minutes de musique. Et à noter le petit changement de label non négligeable, puisque Meshuga est passé de Nuclear Blast, son label historique, à Atomic Fire, qui n'est d'autre que la nouvelle entité d'ex Nuclear Blast, puisque pour rappel, le label allemand était racheté par une firme française. Voilà donc pour les présentations de la première doublette de ce soir. Abbas, on s'écoutera le morceau Myrmidon, Meshuga, I Am That Thirst, extrait de leur nouvel effort studio Immutable. C'est parti! Et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission. Deuxième doublette pour l'émission de ce soir, une doublette que l'on ouvre par le groupe de Death Crasseux venu des États-Unis, Father Behold. Voilà, le groupe sort ce nouvel album sur un nouveau label, Everlasting Pew Records, le label italien montant en termes de nouveautés, de sorties de qualité. Cinquième effort studio pour les ricains sur leur Death, toujours bien crasseux et putride, voire même doomisant. Voilà, 9 titres pour 36 minutes de Death rampant. Toujours aussi efficace et plaisant, Crown in Veneficum, c'est le nom de leur nouvel effort studio, et en doublette avec Father Behold et leur Death dégoulinant, nous aurons le Heavy Speed Trash bondissant des Belges de Evil Invaders, Shattering Reflection, le nom de leur nouvel effort studio, le troisième qui fait suite au très très bon Feed Me Violence qui était sorti en 2017. Voilà, c'est toujours aussi efficace et bien conçu, la musique de Evil Invaders, une sortie Napalm Records, et on s'écoutera le titre Sledgehammer Justice. C'est parti. Et juste avant Evil Invaders, Dethrone Enslavement. We'll be right back. troisième doublette dans l'émission d'aujourd'hui. Pas de nouveauté dans celle-là, mais toujours la qualité. Tout d'abord, Chaos Invocation avec leur nouvel effort studio Devil Stone and Man. Pour rappel, Chaos Invocation, c'est une formation black venue d'Allemagne et active depuis 2004. Ils sortent là leur quatrième effort studio. On est sur une veine black metal assez violente et intense, hein, dans l'inspiration des vieux Vatain par exemple. Et en doublette avec Chaos Invocation, le groupe danois de Death Doom actif depuis 2015. Et la particularité notamment de la formation, c'est que c'est un quatuor 100% féminin. Et vous allez voir, la voix est absolument extraordinaire. Une signature Napalm Records, et dans l'ensemble c'est ultra quali ce que propose Convent. Chaos Invocation, Triple Fire, Convent, Never Rest, extrait de leur nouvel effort studio, Call Down the Sun, c'est parti. Let's go!

Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Autant la doublette juste avant n'avait pas de nouveautés, autant la doublette à venir est une doublette uniquement de nouveautés. Nous avons tout d'abord les vétérans anglais de Satan, le groupe eh bien, qui a vu le jour au milieu des années 80, donc qui fait partie de la fameuse vague de heavy anglais. Ils sortent là leur sixième album studio. Le quatrième depuis sa reformation en 2011. Donc on est évidemment sur un heavy plutôt old school qui révolutionne absolument rien, mais comme on est sur des mecs bien expérimentés, et ben ça tient méchamment bien la route. Et la petite précision, c'est que depuis sa reformation en 2011, tous les visuels de Satan ont été confiés à Eliran Cantor, ce qui permet donc une trame visuelle album après album. Donc voilà, il y a une cohérence dans leur visu. A noter que ce nouvel effort studio de Satan s'intitule Earth Infernal, c'est une sortie Metal Blade, et en doublette avec Satan, un groupe pas banal, Desolate Shrine, ça nous vient de Finlande, c'est actif depuis une douzaine d'années. Ils sortent là leur cinquième album studio chez Dark Descent Records. Musicalement, on est sur un death lourd, pesant et assez caverneux, avec des compos plutôt longues, hein, de 5 à 10 minutes. Et c'est au niveau du line-up que c'est assez particulier, puisqu'on a un type qui gère vraiment tous les instrus, et deux vocalistes. Et ces deux gars sont plutôt connus, puisqu'ils sont actuellement vocalistes au sein de Sargeist, et batteurs au sein de Sargeist. Donc voilà, on n'est que sur du chant extrême, donc ce qui propose une certaine richesse, parce que les deux voix sont assez différentes, il y a zéro chant clair, et il y a zéro tendresse dans la musique de Desolate Shrine. Voilà, les présentations sont faites, on s'écoutera le titre The Dying World, extrait de l'album Fires of the Dying World, et juste avant ça, Satan avec le morceau Burning Portrait, c'est parti. The man that you wanted to be. There were times when you'd stay. Et la doublette suivante va nous permettre d'attaquer l'aspect française, mais tout d'abord on va s'écouter un titre de Night, formation californienne, qui nous propose un Heavy Black Ned. Le groupe sort ce nouvel effort studio, le deuxième sur les labels français Season of Mist. Donc voilà, ça fait une superbe transition avec l'aspect française qui va dérouler juste après. Donc pour rappel, musicalement on est sur une base Heavy Trad de années 80, et vocalement on est sur quelque chose de vachement black metal. Voilà, le combo musical est plutôt intéressant. Et Night nous sort son second album studio intitulé Voices of the Cronian Moot. Et on s'écoutera le morceau Heliopolis. Et en doublette avec Night, première formation française de la soirée, Wrath of the Nebula. On est sur un groupe qui sort là son premier album, monté par un membre de No Return du côté de Cannes. A noter que le batteur sur l'album, c'est Kevin Paradis. Et pour la suite, c'est ce cher tourangeau de Quentin Regnault qui tape, et puis que l'on retrouve dans le premier clip de Wrath of the Nebula. On est sur un death moderne, symphonique, d'inspiration Flesh God ou autre Septic Flesh. Voilà, c'est un mélange, bah, ma foi, qui passe plutôt bien. Wrath of the Nebula, on s'écoutera le titre DNA of the God, et l'album s'intitule The Restless Leviathan. C'est parti. Yeah.